Chapitre 2. Le prix du bonheur. En retournant chez lui, Karim envoie immédiatement un message au portable de Zara. Il demande de la voir et à quel endroit, en proposant le matin, si possible. Les deux amoureux se rencontrent à 10 heures, à l'arrêt de l'autobus du centre-ville où ils s'étaient vus la première fois. Selon l'habitude désormais adoptée, Karim est venu dans sa voiture. Il invite Zara à y entrer. Une fois qu'elle est à l'intérieur, il propose d'aller dans un lieu tranquille et discret. « Oui ?» acquiesce-t-elle. « Alors, à toi de choisir, » réplique Karim. « Le jardin de la promenade de l'étang, près d'ici ou plus loin, Christelle, au bord de la mer. Là où tu veux, désormais je suis libre. » Karim a envie de proposer Christelle, mais il se souvient opportunément que là on voit la mer. Non, cela pourrait rappeler Zara à la mort de son petit frère. La promenade de l'étang non plus. Par la rampe, on voit la mer. « Allons au jardin municipal, » propose-t-il. « À cette heure, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. » Durant le parcours, Karim ne livre pas ses méditations à son aimé. « La mer, » se dit-il, « la mer que j'aime contempler, dans laquelle j'aime nager. » Désormais, comment la regarder sans penser au petit Abderrahman et à tous les malheureux qui y sont ensevelis? Une fois arrivés au parc, les deux fiancés s'engagent sur un sentier. Ils cherchent où s'asseoir. « Il nous faut, » déclare Karim, « un endroit discret sans être trop isolé. »« Oui, tu as raison. » Les deux amoureux savent combien, malheureusement, la misère s'est répandue, entraînant un désespoir avec son cortège de comportements agressifs, notamment pour détrousser les promeneurs de leur argent. Le dernier feu d'hiver eut lieu précisément dans ce jardin, quelques jours auparavant. Un vieux retraité, ex-immigré, retourné au pays, faisait sa course matinale, vêtu d'un habit de sport, joli et de marque fameuse. Malheureusement, au moment de sa course, le parc était quasi désert. Trois jeunes gens l'encerclèrent, et le menaçant avec des couteaux, le dépouillèrent de son bel accoutrement, puis l'abandonnèrent, couvert uniquement de son slip. Quand il alla déposer une plainte au commissariat, il eut droit à des rires et à la phrase « Ignores-tu quelle est la situation du pays ?» En se promenant, Zara et Karim découvrent un banc inoccupé sous un palmier, sur une toute petite place où des enfants jouent sous la surveillance de leurs parents. « On se met ici ?» propose Karim. « Oui. » Une fois tous les deux assis, Zara contemple avec attendrissement le jeu des enfants. Elle est sensible à leurs joyeuses exclamations d'innocente allégresse. Karim remarque l'insistance avec laquelle son ami prête l'attention au gamin. Zara finit par le noter. Elle se ressaisit vivement en pensant qu'elle ne doit pas attrister Karim par le souvenir d'Abderrahman. D'ailleurs, ne montrer aucune peine sur son visage, elle se tourne vers son fiancé et tente d'esquisser un sourire. Karim devine ce qui trouble Zara. Son petit frère. Puis il se dit, en ce moment nous devons penser à autre chose. Ce sera notre manière d'honorer la présence d'Abderrahman. Karim commence par informer Zara du contenu de sa discussion avec Sillafid et des solutions envisagées. À la proposition du mariage, le visage de Zara se contracte et pâlit. Tu n'es pas d'accord ? Interroge Karim, inquiet. Très embarrassé, Zara réplique. Ce n'est pas ça, au contraire. Je suis très honoré par ta proposition et je te remercie de tout mon cœur. Mais y as-tu bien pensé ? As-tu oublié mon passé ? Non, je ne l'ai pas oublié. Alors as-tu considéré ce que les gens, les voisins, diront de toi ? Oui. Ceux dont l'esprit et le cœur sont bons estimeront notre union. Ceux dont l'esprit manque d'intelligence et le cœur de bonté, nous les ignorerons. Pour ces derniers, espérons que notre comportement, toi et moi, finira par leur ouvrir les yeux et adoucir leur jugement. Les gens, objecte Zara avec affliction, sont tellement méchants. Et de plus en plus, comment peux-tu espérer qu'ils changeront en mieux ? Accepter la réalité telle qu'elle est ne fait que l'empirer. Alors essayons de l'améliorer. Même si la réussite n'est pas garantie, il faut néanmoins essayer. Zara reste sceptique. Tu es trop bon, et ton excès de bonté te fait croire à celle des autres. On dirait que tu n'es pas de ce pays, que tu n'y vis pas. Dans notre pays aussi, il y a des gens comme toi, et meilleurs que moi, même s'ils sont minoritaires. J'ai peur pour toi, avoue Zara. Pourquoi ? De quoi ? De la réaction des voisins, surtout de mon ex-chef dans la police, il est tellement cruel. Dois-je dire toute la vérité ? Se demande Zara. Quelques secondes d'hésitation, puis elle avoue. Surtout maintenant que je ne travaille plus pour lui, il risque de vouloir se venger d'une chose particulière. Laquelle ? Plusieurs fois, révèle Zara, il a essayé de me convaincre d'aller avec lui au restaurant, soi-disant pour faire amitié, selon son expression. J'ai toujours décliné son invitation. Il a fini un jour par me dire « N'as-tu pas peur de regretter ton refus ?» Son ton et son regard étaient très menaçants. Alors j'ai préféré ne rien répondre. mais chaque fois que j'allais dans son bureau, j'étais très inquiète. Je craignais d'être violée par lui. À notre dernière rencontre, quand je lui ai annoncé ma décision de me marier avec toi, il a encore relancé. « Eh bien, pour fêter cet heureux événement, je t'invite au restaurant, ou mieux encore, à passer un week-end ensemble dans l'hôtel le plus chic du Sahara. » Je lui ai simplement répondu « Que penserais-tu d'une femme qui voudrait t'épouser, mais auparavant accepterait l'invitation de son employeur en te manquant de fidélité ?» Il me toisa d'une expression si méchante que je me suis dite. Sa frustration le conduira-t-elle à se venger d'une manière ou d'une autre ?« Je comprends ton inquiétude, » répond Karim. « Mais y a-t-il un bonheur sans risque, sans lutte ? L'amour que j'ai pour toi, le mariage que je te propose, ce sont d'abord le fruit de ta, je dis bien de ta, résistance à l'humiliation. » De ton sens, de ta dignité, malgré les situations affreuses où tu as été jeté contre ta volonté. Tu ne fais donc que recueillir le résultat de ton combat. Zahra dévisage celui qu'elle aime et ses traits se détendent un peu. Tu parles bien, Karim. J'aurais voulu en être capable comme toi. Tu as été capable de mieux. Sortir du plus hideux des puits, connaître un garçon honnête qui t'aime et veut t'épouser, n'est-ce pas merveilleux? Si tu continues à parler, avoue-t-elle, très émue, tu vas me faire pleurer. Si tu pleures de joie, alors bienvenue les larmes.